Just Soleil, Will et Pot. J'ai build un bar sur le toit de ma base. Trois palettes, un feu et je te masse. On farme le bois, mais on brûle les plans. Y'a Raiders qui lance slip, c'est suffisant. Apéro, recycle les bastons. On danse en pote, on grille des glands. Les viewers crient pendant le raid de fond. Mais moi je m'occupe du son et du melon. J'ai mis des pièges juste pour l'ambiance. Un ours à spawn, y'a eu danse. Le ciel s'enflamme, y'a plus de munitions. Mais la fête continue à la pioche champion. CK dans la glacière et vodka dans le lance-flamme. Raiders qui le DJ de l'enfer. Mix entre loot et drame. Apéro, recycle les bastons. Y'a plus de base mais plein d'émotions. Russe l'été, c'est pas une prison. C'est des bails de fou à l'horizon. Apéro, recycle les bastons. Y'a plus de base mais plein d'émotions. Russe l'été, c'est pas une prison. C'est des bails de fou à l'horizon. C'est pas une prison, c'est des bails de fou à l'horizon.